cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fi darsina al-akhir, dans notre dernier dars, on a commencé de lire les versets sur Ithbat, Sifat, Al-Irada wa al-Mashi'a. Et aujourd'hui, on continue. وبالله التوفيق قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Donc ce verset فيه إثبات صفات الإرادة أي la volonté أن الله سبحانه وتعالى يريد قال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه وقال عز وجل ومن يريد أن يضله قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله فمن يريد الله أن يهديه أي من شاء الله سبحانه أن يوفقه يجعل قلبه قابلا للخير أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهدي إنسان فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي يجد سنكر فسد جدي سبق لفولونت الله سبحانه وتعالى كي سيكي أفولو جدي سد برسن الله سبحانه دونك Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut ay al-irada. Et on ne va pas tout lire aujourd'hui, Kalam Cheikh Al-Fawzan, il est assez long, lakin nakhtasir, on résume et on lit l'essentiel. Qala rahimahullah, ay Cheikh Al-Islam, toujours le même verset, Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, wa man yuridillah yudhillahu ay man sha'a subhanah. أن يصرفه عن قبول الحق يجعل صدره ضيقا. فسلام مشوز. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas guider une personne, فيجعل صدره ضيقا. أي لا يتسع لقبول الحق. Même si tu le montres, même si tu insistes, même si tu détailles, même si tu as du ilm, même si tu es éloquent et tu veux qu'il soit guidé, si Allah subhanahu wa ta'ala il décide, il ne veut pas le guider, فَيَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. Et sa poitrine, elle se resserre, et il n'y a plus de place pour accepter cette guidée, cette vérité. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى شاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه. Donc, ce verset, c'est bien un argument, une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'irada, et il a volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut certaines choses, et il ne veut pas certaines choses. قال, وَأَنَّهَا شَامِلَةٌ لِلْهِدَايَةِ وَالْإِضْلَالِ أي يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. أي Allah subhanahu wa ta'ala, مثلا dans ce verset, il veut la guider de certains, et كذلك, il veut l'égarement de certains. قال فالإرادة الربانية نوعا. وتقدم معنا أمس dans le cours précédent, pour bien comprendre ce sujet qui est lié au destin في الحقيقة. Tu dois comprendre أن الإرادة الربانية نوعا. أي la volonté elle se divise en deux, ou plutôt il y a deux volontés. النوع الأول إرادة كونية قدرية وهذه مرادفة للمشيئة. أي هذه الإرادة c'est une إرادة كونية قدرية. كونية ça vient du mot كون, c'est l'univers. والقدرية ça vient du mot قدر. والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى إلى بخصيص أنها مرادفة للمشيئة أي ست إرادة للمشيئة تماما أي الله سبحانه وتعالى أراد مثلا Il a décidé, il a voulu égarer ce kafir, et il sha'a. C'est le mashi'a. Donc quand on dit al-irada wa al-mashi'a, al-mashi'a c'est l'irada al-kawniya. ومن أمثلتها قال حفظه الله قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها تأمل قوله وإذا أردنا أي si Allah سبحانه وتعالى il veut détruire un peuple une ville une contrée قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. Donc ce verset montre bien que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu détruire tel peuple. Qala azza wa jal, wa idha arada Allahu biqawmin su'an fala marad lah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour un peuple du mal, personne ne peut repousser ce mal. Ça c'est l'irada al-kawniya. Et le troisième exemple, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan haraja. C'est la deuxième partie du verset de Sourat Al-An'am que l'imam Al-Taymiyyah rahimahullah ta'ala il a cité. Donc le verset que Cheikh Al-Islam il a cité dans l'Ouasitiyya, il englobe les deux irades. Al-irada al-shar'iyya et al-irada al-kawniyya. Et on ne se précipite pas à citer les différences l'an. Cheikh Al-Fawzan Havidahullah il les a cités. Awalan, on lit les deux noms avec les preuves. Thumma, avec les différences, ça sera plus clair. بإذن الله عز وجل. النوع الثاني إرادة دينية شرعية. La deuxième إرادة c'est الإرادة الدينية الشرعية. أي الله سبحانه وتعالى il veut des choses شرعا. مثلا الله سبحانه وتعالى il veut qu'on fasse salat. Il veut qu'on a la foi. Il veut qu'on l'adore seul سبحانه. قال ومن أمثلتها قبل ذلك هذه الإرادة c'est المحبة. هذه الإرادة elle est fondée sur المحبة. أي الله سبحانه وتعالى il veut qu'on fasse salat. Pourquoi? Parce qu'il aime الصلاه il aime المصلين. قال ومن أمثلتها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. Et dans l'autre verset إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Donc الله سبحانه وتعالى il veut qu'on fasse tawbah. Et كذلك il aime التوبة. Cette irada, ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala il veut, Allah subhanahu wa ta'ala il les aime et ça fait partie de notre din. C'est pour ça que l'ulama il l'appelle iradatun diniya shar'iyya. Contrairement au premier نوع, à la première catégorie, comme on verra dans les différences. قال وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Ça c'est l'irada al-shar'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas pour nous la difficulté. Il veut nous purifier de nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous élever. قال وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. Donc tu as deux iradas, deux volontés. Al-kawniya al-qadariya et la deuxième irada diniya shar'iyya. Si tu as compris هذا, il y a des différences entre ces deux volontés. Et avec ces différences, et avec la compréhension de ces deux catégories, بإذن الله عز وجل, tu sauras pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu égarer tel peuple. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu telle chose à un tel. Hatta ça, il n'y a aucune contradiction entre cela et al-hikma, la sagesse. قال حفظه الله الفرق بين الإرادتين. La différence entre les deux volontés, la première qala al-iradatu al-kawniyya qad yuhibbuha Allah wa yardaha wa qad la yuhibbuha wa la yardaha. Ça c'est la première différence. Anna al-iradatu al-kawniyya Allah subhanahu wa ta'ala il peut l'aimer et il peut ne pas l'aimer. Mathalan Allah subhanahu wa ta'ala arada kawnan de créer Iblis. Un shaitan. Qui c'est qui a voulu le créer, qui l'a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Iblis? Il aime le shaitan? Est-ce qu'il aime la mécréance? La, abadan. Lakin, il a voulu ces choses. Pourquoi? Pour une sagesse. Cette irada, qala al-iradatu al-kawniya, qad yuhibbuha Allahu wa yardaha, wa qad la yuhibbuha wa la yardaha. Wal-iradatu al-shar'iyya, labud an yuhibbuha wa yardaha, الله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. أما الإرادة الشرعية la volonté, مثلا الله سبحانه وتعالى il veut qu'on fasse salat, il veut qu'on l'adore, cette volonté الله سبحانه وتعالى il l'aime. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'elle est liée à المحبة contrairement à الكونية. ثم إلى cet exemple قال فالله أراد المعصية مثلا la mécréance de tel kafir. Est-ce que c'est bi iradati Allah azza wa jalla? Est-ce que c'est Allah qui l'a voulu? Non, il y a aucun doute. لماذا لان تقدم معنا dans notre درس précédent ان tout ce qui se passe dans cet univers Allah subhanahu wa ta'ala il l'a voulu. لماذا لان toute chose qui se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est avec sa volonté. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout, il est capable de tout. Et le fait de penser que telle chose, c'est pas par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, fil haqiqa, c'est un manquement, c'est un défaut. Et Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu an dhalik. Donc, la mécréance du mécréant, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu arada al-ma'siyah kawnan wa la yardaha shar'an. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste cette mécréance. Et il ne l'accepte pas. Qala ثانياً, la deuxième différence, donc on résume la première, أن الإرادة الكونية, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut l'aimer ou ne pas l'aimer. أما الإرادة الشرعية, la volonté شرعية qui est liée au din, à la religion, فالله subhanahu wa ta'ala, il l'aime forcément. La deuxième différence, قال والإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لي تحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحب. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها. Et ça, c'est très très important et ça répond à la question que certains peuvent se poser هنا. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala il déteste cette chose, pourquoi il l'a voulu? قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى والإرادة الكونية مقصودة لغيرها. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette chose, il a voulu cette chose pour une autre chose. فمثلاً, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé Iblis. Et tous les maux, tout ce qui se passe sur terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, qui l'a créé. Les malades, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes choses, et c'est lui qui gère toutes choses. Et s'il n'aurait pas voulu telle chose, il ne l'aurait pas créé. Lakin, il l'a voulu kawnan. Pourquoi ? Malgré qu'il déteste cette chose, قال لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Iblis et il a créé le mal, c'est une épreuve pour nous. Est-ce qu'on va faire des efforts pour s'en écarter? Est-ce qu'on va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? كذلك, si on est touché par ce mal, ou on faiblit, ou on fait un péché en obéissant à Shaitan, est-ce qu'on va demander pardon? Est-ce qu'on va faire tauba? فمثلاً, s'il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait pas Shaitan, tout le monde serait guidé, tu ne pourrais plus faire l'istighfar. Pourquoi tu vas demander pardon? Tu ne pourrais plus te repentir. L'imad aléana, le repentir, c'est à cause d'un péché, s'il n'y aurait pas de péché. Kadhalik, il n'y aurait plus de jihad. Tu vas faire le jihad contre qui? S'il n'y a que des croyants. Kadhalik, tu vas faire jihad à ton nefs. Pourquoi tu ferais jihad à ton nefs si tu fais que des obéissants? Tout ça, ça nous montre en Allah subhanahu wa ta'ala, idha khalaqa shay'an, même si en apparence c'est un mal, il y a une énorme sagesse. On n'a pas le droit de croire qu'il y a des contradictions. Ça, c'est hal ahli zayr, ayyadan billah. Enfin, celui qui a ce genre de wasawis, qu'il étudie sa aqida et il dit amantu billah, thumma yastaqim. Et il suit le droit chemin, il s'écarte de ses wasawis. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Ses attributs sont parfaits. Tout ce qu'il a décrété, c'est parfait. Et il n'y a aucune contradiction dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ba'd an-nas peuvent ignorer certaines choses, ils peuvent penser qu'il y a une contradiction dans certaines choses, et ma cause un manque de science, et ma cause d'une mauvaise croyance, et ma cause de mauvais soupçons. Fa na'oudhu billah min al-inhiraf. Qala wal iradatu ash-shar'iyya maqsoodatun li dhatiha, fa Allah arada at-ta'a kawnan wa shar'an wa ahabbaha wa radiyaha. أما la volonté, الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé pour qu'on la fasse, pour qu'on fasse cette chose elle-même. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette chose. Contrairement à la première irada. La première irada, c'est pour autre chose. أما celle-là, c'est pour la chose elle-même. قال فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala arada ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on fasse salat, qu'on fasse siyam, qu'on donne az-zaka, qu'on fasse le hajj, etc. Wa ahabbaha wa radiyaha. Qawluhu arada at-ta'a kawnan wa shar'an, huna il a cité les deux. Pourquoi? Li anna, et huna il faut suivre pour pas qu'on mélange. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de faire as-salat. Donc, c'est une volonté shar'iyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime as-salat. Si on fait as-salat, dans ce cas, ça devient une irada shar'iyya, parce qu'Allah il aime. Et kadhalik kawniyya, la première. Pourquoi? Parce qu'elle s'est passée. Vous vous rappelez du premier cas, al-irada al-kawniyya, c'est tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans l'univers, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui fait as-salat, fait al-haqiqa, il y a les deux volontés. Il fait une chose que Allah il aime et il fait une chose qui se passe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété. Et cela, c'est le troisième point, c'est la troisième différence. قال والإرادة الكونية لابد من وقوعها والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع. La troisième différence, c'est que l'إرادة الكونية, si Allah veut une chose كونًا, cette chose elle arrive forcément. أما الإرادة الشرعية, Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan, il veut et il a rendu obligatoire à tout le monde de faire la salat. Est-ce que tout le monde fait la salat là? C'est pas tout le monde qui fait la salat. Certains y font cette salat, cette adoration, et d'autres ils ne la font pas. Donc la salat c'est une irada shar'iyya. Elle peut arriver, elle peut ne pas arriver. Amma al-irada al-kawniyya, elle arrive forcément. Limadha li anna al-irada al-kawniyya, c'est ce qui se passe dans hadha al-kawn. Et si ça se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بعد ذلك قال تنبيه. On répète les trois différences. أولاً, la première, l'irada al-kawniyya, Allah subhanahu wa ta'ala il peut l'aimer et il peut ne pas l'aimer. أما l'irada al-shar'iyya, Allah il l'aime forcément. مثلاً l'irada al-kawniyya, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a voulu et qui a décidé de créer le shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le shaitan. L'irada al-shar'iyya, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime forcément. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que chacun de nous, il fasse as-salat. Allah, il aime as-salat. La deuxième différence, c'est l'irada al-kawniyya maqsoudatun li ghayriha. L'irada al-kawniyya, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu cette chose pour une autre chose. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas créer ou vouloir une chose de mal et il n'y a aucun profit. Abadan. Ça nous montre que chaque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il y a une sagesse. Et chaque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, il y a une sagesse. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Chacun a tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il a créé, c'est pour une sagesse. أما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها. الله سبحانه وتعالى il a voulu cette chose, لأن dans cette chose il y a un bien, et Allah il aime cette chose en elle-même ou elle-même. La troisième différence, الإرادة الكونية لابد من وقوعها. الإرادة الكونية forcément elle arrive. أما الإرادة الشرعية, الله سبحانه وتعالى il a voulu cette chose et il l'aime, mais elle arrive pas forcément. مثلا الله سبحانه وتعالى il a ordonné à tout le monde de croire. Certains croient, فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. Et d'autres, ils ne croient pas. تنبيه, il a cité deux remarques pour conclure ce point. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. Ce point, c'est pour montrer que les deux iradas, les deux volontés, elles peuvent se réunir. مثلا المخلص المطيع, celui qui est sincère et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا شَكَنَّهُ il accomplit la volonté shar'iyya. مثلاً Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'accomplir la salat. Il fait cette salat sincèrement. Donc c'est bien la volonté shar'iyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il veut qu'on fasse la salat. Et كذلك c'est l'irada al-kawniyya. لماذا? لأن cet être humain il fait la salat. Donc cette salat elle arrive. Elle est accomplie. Donc هنا on a les deux. قَالَ وَتَنْفَرِدَ الْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةِ فِي حَقِّ الْعَاصِي. أما العاصي, est-ce qu'il fait la salat? Non. Est-ce qu'il fait la salat? Non. Qui c'est qui a décrété qu'il ne fait pas la salat? C'est Allah Azza wa Jal. Donc ce qu'il fait c'est min al-irada al-kawniyya, pas al-irada al-shar'iyya. فمثلا, on peut donner un exemple plus précis. ce Asi boit de l'alcool. Le fait qu'il a fait cette chose, c'est min iradatillah subhanahu wa ta'ala. Lakin al-kawniyya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété, qui a voulu, qui a décidé que cet homme il s'égare, qu'il boit de l'alcool, ou plus grave encore, matalan, qu'il ne croit pas. Est-ce que c'est min al-irada shar'iyya là? Enfin, dans ce cas, il n'y a que al-irada al-kawniyya. Tanbihun akhar, une autre remarque. Man lam yuthbit al-iradatayn wa yufarriq baynahuma faqad dhall. Naam. Celui qui pense qu'il n'y a pas ces deux volontés, ou il les dissocie. Matalan, il dit, il n'y a que cette volonté, il croit qu'en une, enfin, il n'y a aucun doute que c'est de l'égarement. Qu'al jabriya wal qadariya, qala fal jabriya tu athbatu l'irada tal kawniya faqat, wal qadariya tu athbatu l'irada tal shur'iya faqat, wa ahl sunna athbatu l'irada tain wa farraku baynahuma. Et cette mas'ala, on a déjà étudié, wallahi alhamd, l'égarement de ces deux sectes, Al-Jabriya ou Al-Qadariya. Kadhalik, on a déjà étudié le chapitre du destin dans plusieurs livres. Et on reverra cette masala, bi-idhnillahi azza wa jal, dans ce livre, dans le chapitre du destin. Pour résumer, Al-Ba'd Abdullah, ils disent que l'être humain, il n'a pas d'irada. Athbatu Al-Kawniya faqat, comme Al-Jabriya. Pour Al-Jabriya, on n'a pas de volonté, nahnu. Enfin, tout ce qui se passe, que ça soit un péché ou une bonne action, pour eux, c'est la même chose. Matalan, cette bonne action, tu l'as fait, tu n'avais pas le choix. C'est Allah qui a voulu. Et kadhalik, ce péché, tu le fais, tu n'as pas le choix. C'est Allah qui l'a voulu. Haoula, c'est des égarés. On les appelle Al-Jabriya. Al-Qadariya, indahum, ils disent que il n'y a que Al-Irada Shar'iya. Et les mauvaises choses, c'est pas... Ça ne fait pas partie du destin. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, qui a créé cette mauvaise chose. Et ils se sont égarés. Pourquoi ils se sont égarés, les deux groupes? Parce qu'ils n'ont pas compris la différence entre les deux irades. Ils ont exagéré. Et ils sont tombés dans l'extrême. Et chaque groupe, ayyadun billah, il s'est égaré dans ce point, l'irada. Et ils se sont égarés, bien sûr, dans le destin. Et cette mas'ala, ayy. La tribu de la volonté, bien sûr, c'est lié avec le chapitre du destin. Amma al-fa'ida al-maslakiyya, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce chapitre sur al-irada? Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dans son charh, qala wa nastafid bima'rifatina lil-irada min al-nahiyya al-maslakiyya amrayn. Donc, deux fawa'id, il a cité deux fruits de هذا الايمان, de cette croyance que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'irada, il a la volonté, l'attribut de la volonté. الاول قال, le premier point, ان نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع احوالنا واعمالنا بالله لان كل شيء بارادته وهذا يحقق لنا التوكل. Si on a la conviction, on est sûr, on a aucun doute, ان tout ce qui se passe c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, ça va nous reposer. هذا سيحقق لنا التوكل. Ça va nous permettre de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu tombes malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Et كذلك, ça peut être un bien pour toi. Enfin, tu retires de cette épreuve un bien. Enfin, tout ce qui se passe, c'est بإرادة الله subhanahu wa ta'ala. Donc, ça va nous pousser à quoi? À espérer que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك, ne craindre que Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Li'anna tout ce qui se passe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout. Aïe, la croyance au destin. Ça repose l'être humain jiddan. Le deuxième point, an naf'al ma yuriduhu Allahu shar'an. Fa idha 'alimna annahu muradun lillah shar'an wa mahbubun ilayh, fa inna dhalika yuqawwi 'azmuna 'ala fi'lihi. كذلك ان on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala il veut certaines choses shar'an, ay al-irada al-shar'iyya, la volonté qu'Allah il aime ces choses, donc on doit faire des efforts pour appliquer ces choses. Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il veut qu'on applique notre dîn, qu'on suit le prophète alayhi salatu wasalam, qu'on adore que lui, qu'on fasse la salat, etc. Donc on essaye de mettre en application ces choses. Enfin, le premier point c'est al-irada al-kawniyya. Et le deuxième point, la deuxième faïda, la deuxième leçon qu'on a tirée, c'est la volonté al-shar'iyya, comme a dit l'allama Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Après avoir cité la volonté, l'attribut de la volonté, l'irada ou le mashi'a, l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a cité quelques versets sur l'attribut de al-mahabba. Ay, anna Allah, azza wa jal, il aime certaines choses. Il aime certaines œuvres et il aime certaines personnes, subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. وَأَقْصِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْصِطِينَ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَقَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَقَوْلُهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود. Donc ces versets, Cheikh al-Islam رحمه الله les a cités في عقيدته المشهورة pour montrer أن الله سبحانه وتعالى il a cet attribut صفة المحبة. أي l'attribut de le fait d'aimer. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمان فكل ما شاء الله فقد أحبه وقد قدمنا أن في ذلك تفصيلا فقد يشاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. الإمام ابن تيمية رحمه الله il a cité المحبة juste après avoir cité l'attribut de l'irada ou al-mashi'a et pour montrer que l'irada, la volonté, elle n'est pas forcément liée à المحبة. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vouloir une chose et il déteste cette chose, il n'aime pas cette chose. Et on a vu la différence entre l'irad al-kawniya ou al-shar'iyya. Qala wa qawluhu wa ahsinu. Hada amrun min Allah ta'ala bil ihsan. Wa huwa al-ityan bil amal ala ahsan ahwalihi wa akmaliha. Wa al-ihsan huwa a'la maqamati al-ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-muhsinin. C'est qui al-muhsinin? C'est Ahlul Ihsan. Et Al-Ihsan, c'est Al-Ityan Bil-Amal Al-Ahsani Ahwalihi Wa Akmaliha. C'est le plus haut niveau. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Anta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, fa huwa il te voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ha'oula al-muhsinin. Ils traduisent par les bienfaisants. ثم قال إن الله يحب المحسنين وقال يحب المقسطين أي العادلين. الله سبحانه وتعالى إلام المقسطين وأقسط إن الله يحب المقسطين. On est passé au verset suivant. المقسطين c'est العادلين. القسط c'est العدل. الله سبحانه وتعالى إلام les personnes justes. ومحبته قال شيخ الفوزان ومحبته سبحانه لهم تلتزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. نعم le fait que Allah سبحانه وتعالى il aime مثلا المحسنين les bienfaisants, il aime المقسطين ceux qui sont justes, il aime التوابين comme on verra inshallah, ça implique أنه سبحانه وتعالى Allah سبحانه وتعالى il va les récompenser. فالله سبحانه وتعالى il aime أهل العدل, ceux qui ne sont pas injustes. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Le troisième verset, fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah wa at-taqwa hiya at-tahruz bi ta'atillah 'an ma'siyatihi raja'a thawabihi wa khawfan min 'iqabihi. Allah subhanahu wa ta'ala il aime cette catégorie de personnes, al-muttaqin. Et ceux qui mettent en application at-taqwa, la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est at-tahruz bi ta'atillah 'an ma'siyatihi. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui obéir. Et kadhalik, le fait de s'écarter des péchés, de ce que Allah nous a interdit et de sa désobéissance, tout ça, raja al-thawabi, en espérant la récompense. Wa khawfan min iqabi, et كذلك, en craignant le châtiment. Enfin, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui s'écarte des interdits et il est sincère et il espère la récompense et il craint le châtiment, هذا, il fait partie de al-muttaqin, des hommes pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette catégorie de personnes. Wa qawluhu ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin. قال التوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة وهي لغة الرجوع أي التوبة وشرعا الرجوع عن الذنب. هنا ديتاي ولله الحمد ما يتعلق بالتوبة dans notre cours l'explication de Riyad Salihin, le chapitre du repentir. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى إلا ما التوابين et التوابون c'est ceux qui font توبة, ceux qui se repentent. Et le repentir, c'est le fait de délaisser le péché. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال هذا تفسيرها في حق العبد وأما في حق الله فالتواب من أسماء الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est التواب. فالإنسان يتوب, c'est un تائب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les personnes qui font التواب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est التواب. Ça fait partie de ses noms. Et ce nom, wallahi alhamd kadhalik, on l'a expliqué ensemble dans notre série de cours sur l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal. قال ابن القيم رحمه الله العبد تواب والله تواب. Ibn al-Qayyim, dans son livre Madarij al-Salikin, comme fi al-Hashiya, il a démontré رحمه الله أن العبد تواب. أن l'être humain, il est tawab. Il fait tawba. C'est le fait de se repentir. Il doit délaisser le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sous certaines conditions, sincèrement bien sûr, avoir la ferme intention de ne plus refaire ce péché, le délaisser directement. Enfin, celui qui a rempli ces conditions, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawab. Qala, fa tawbatul abd rujou'u. Enfin, la tawba du serviteur, c'est le fait de délaisser le péché et de revenir à Allah. Qala, fa tawbatul abd rujou'uhu ila sayyidih. Wa tawbatullahi naw'an. Amma tawbatullah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawab. Ça veut dire quoi? Qala, idnun wa tawfiq, wa qaboulun wa atidat. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawab, et c'est lui qui facilite à l'être humain de faire tawba. C'est lui qui guide son cœur, c'est lui qui lui permet de penser, de faire la démarche pour se repentir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est tawab. Et kadhalik, qala wa qaboulun wa atidat. Et kadhalik, Allah, c'est tawab et c'est lui qui accepte le repentir. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui facilite le repentir et c'est lui qui l'accepte. Ces deux points, c'est le sens de at-tawab qui fait partie des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala, wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime al-mutatahirin. Qala, jam'u mutatahir, ismu fa'ilin min al-tahara wa hiya al-nazaha. والنظافة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. الله سبحانه وتعالى لام المتطهرين. المتطهرين c'est ceux qui se purifient. Et la purification elle est de deux sortes. La purification des souillures مثلا l'urine etc. Et كذلك la purification des نجاسات المعنوية. Et des impuretés comme le shirk, comme les péchés, comme les innovations. قال وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين. Donc on doit faire des efforts في الطهارة الحسية, la purification, être propre, et كذلك la purification de notre cœur. Enfin, la purification, c'est la purification du corps et la purification du cœur. Et la purification du cœur, elle est encore plus importante. Enfin, on ne doit pas négliger. بعض الناس ils ont beaucoup d'عناية بالطهارة al-hissiyya. Ils se lavent souvent et ils oublient leur cœur. Leur cœur, ça devient un endroit pour toutes les impuretés. Ils regardent du haram. Ils parlent que du haram. Leur croyance, elle est fondée sur le haram. Leur croyance, elle est fondée sur les rêves ou sur al-shirk. Elle est fondée sur les ondis. Iyadam billah, des doutes. Tout ça, c'est des impuretés. Enfin, l'insan, il doit faire des efforts pour se purifier, ou pour purifier son corps, et encore plus important, purifier son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-mutatahirin. Aïe, ceux qui se purifient le cœur et le corps. Amma, ceux qui se purifient que le corps et leur cœur, il est impur. Avec le shirk, avec l'association, avec l'innovation, il a akhiré. Ha'oula, si l'impureté, elle est majeure, et c'est de la mécréance, le fait de se nettoyer le corps, c'est d'aucune utilité. Aïe, fil akhira, dans l'au-delà. ثم الverset suivant قال وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال السبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله. Ce verset, c'est une épreuve. Beaucoup de gens, ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset pour te montrer c'est quoi le véritable amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu aimes vraiment Allah, قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله, et si vous aimez véritablement Allah, فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني, et suivez le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. لأن الله عز وجل قل, قال قل, قل, et قل يا محمد, et dis-leur, ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, et suivez le prophète, يحببكم الله, Allah il vous aimera. Ça nous montre أن المحبة c'est pas مجرد كلمات, c'est pas qu'une prétention, c'est pas des simples paroles avec la langue. On espère aimer Allah ou qu'Allah nous aime. Al-mahabbatu al-haqiqiyya, le véritable amour, il est fondé sur des œuvres. Il est fondé sur des efforts. Il est fondé sur le suivi du prophète alayhi salatu salam. Donc on peut conclure, elle n'a plus la personne. Elle suit le prophète Muhammad alayhi salatu salam, bien sûr, sincèrement. Plus Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aimera. قال رحمه الله أي اختبرهم بهذه الآية فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعوه. كذلك tu peux conclure أن celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et il ne fait aucun effort pour suivre le prophète Muhammad alayhi salatu salam, c'est un menteur dans sa prétention. C'est des paroles qu'il dit avec la langue. Et Allahu a'lam c'est quoi son but. Wa illa, celui qui aime véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'un moyen pour acquérir cet amour, c'est de suivre le prophète Muhammad alayhi salatu salam. Le suivre dans la croyance bien sûr, le suivre dans les adorations et le suivre dans son comportement alayhi salatu salam, bien sûr selon ses capacités. Et on a tous des manquements, on a tous des faiblesses. Lakin l'insan il se corrige. Amma prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala et aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire aucun effort, ben suivre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne donner aucun temps pour apprendre sa religion, ne pas appliquer les adorations, ne pas s'écarter des interdits, ah là c'est un pur mensonge et c'est d'aucune utilité indallah. ثم قال وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. Ce verset ressemble au verset précédent et il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime certaines de ses créatures et certaines de ses créatures, elles aiment Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ, c'est Allah qui les aime, وَيُحِبُّونَ, et eux, ils aiment Allah subhanahu. ثم le dernier verset, قال وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ إِخْبَارٌ مِنْهُ مُؤَكَّدٌ أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة الذين يقاتلون في سبيله. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette catégorie de personnes, ceux qui combattent في سبيل الله عز وجل, أي pour élever la parole d'Allah عز وجل, أي يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله, أي font des efforts pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avec leur corps ou avec leur argent. ثم le dernier verset قال وهو الغفور الودود. أما اسم الغفور أي celui qui pardonne, فتقدم معنا dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et الشاهد هنا شيخ الإسلام il a cité ce verset هنا pour le deuxième nom الودود. قال شيخ الفوزان حفظه الله من الود أي بضم الواو, une dhamma sur le waw, الود وهو خالص الحب. الود ça ressemble à المحبة لكن c'est plus fort. L'amour, en arabe, il y a plusieurs mots. Tu as al-mahabba, tu as al-wud, tu as al-khulla. Ces noms, c'est pour montrer des degrés différents dans l'amour, dans le mahabba. Fal-wud, ça ressemble à la mahabba et c'est plus fort. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wadoud. قال شيخ الفوزان فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل الطاعة. فالله سبحانه وتعالى إلام ses serviteurs qui lui obéissent. Donc tous ces versets que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah il a cité هنا, c'est pour montrer cet attribut أن الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de المحبة. قال الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق. فالله سبحانه وتعالى إلام certaines personnes, مثلا ceux qui se repentent, إلام certaines œuvres, مثلا إلام la justice, إلام la purification, إلى آخره, والأخلاق, et إلام certains comportements. Comme on a vu beaucoup d'exemples dans le verset cité précédemment. قال فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضي حكمته البالغة. Et كذلك الله سبحانه وتعالى déteste certaines choses. فصفة البغض والكراهة ثابتة لله سبحانه وتعالى. Et إن شاء الله تعالى on verra ces attributs dans ce livre ensemble. قال ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب المجاهدين في سبيله ويحب التوابين والمتطهرين. Tous les exemples qu'on a vus en se basant sur les versets. قال وفيها إثبات المحبة من الجانبين جانب العبد وجانب الرب. Et ça nous montre أن les attributs des êtres humains et d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la même chose. الله سبحانه وتعالى dans ce verset مثلا قال يحبهم ويحبون فأثبت لنفسه صفة المحبة. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il a montré clairement qu'il aime, يحبهم, Allah il aime, et كذلك l'être humain il aime, ويحبون. Est-ce que ça veut dire que cette mahabba c'est comme cette mahabba? أبدا. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن en tant que croyants, en tant que أهل السنة, on aime le haq et on veut le haq, on doit accepter les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran et que son messager sallallahu alayhi wa sallam il a cité dans le sunnah. ثم قال شيخ الفوزان إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ففي ذلك الرد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة فقالوا لا يحب ولا يحب. هؤلاء المعطلة الجهمية والمعتزلة ils ont prétendu أن الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يحب. أي الله سبحانه وتعالى il aime pas, il peut pas aimer, et كذلك on peut pas aimer الله سبحانه وتعالى. وهذا c'est très très grave. شيخ الإسلام رحمة الله عليه رد على هؤلاء dans plusieurs livres, وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته. Et ils ont déformé les textes et ils ont prétendu que قوله يحبون أول محبة العباد, أي les êtres humains ils aiment Allah, فالحقيقة pour eux c'est ils aiment les adorations. أما الله سبحانه وتعالى tu peux pas l'aimer. C'est très très grave. قال ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثباتهم ونحو ذلك. وهذا مذهب الأشاعرة المحرفة. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات comme on a étudié ensemble dans القواعد المتلى et ils rejettent d'autres صفات. Parmi les صفات qu'ils rejettent, les attributs qu'ils rejettent, صفات المحبة. Pourquoi? لأن pour eux المحبة ça implique certaines choses. Donc c'est réservé que pour l'être humain. Donc pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas l'attribut de l'mahab. Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, il ne peut pas aimer. Lakin, on peut leur répondre, Allah subhanahu wa ta'ala, قال, يحبهم, Allah il aime. Hum, ils ont une tariqa pour rejeter les attributs. Annahum, ils déforment le sens. Ils disent, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il aime, lakin son amour, mahabbatuhu lil'ibad, bima'na ihsani. Aïe, il va les récompenser. Allah, il aime, مثلا, ceux qui se repentent, et il va les récompenser. فالحقيقة, ils ont expliqué الصفة باللازم. كما يقول أهل العلم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى, si, il n'y a aucun doute que si Allah سبحانه وتعالى, il aime ceux qui se repentent, مثلا, il va les récompenser. لكن, la récompense, c'est la conséquence de son amour. فنحن نثبت الصفة, et نثبت كذلك اللازم. On accepte l'attribut. لماذا لأنه il est cité dans le Coran et on accepte كذلك la conséquence أي أن الله سبحانه وتعالى il va les récompenser. Amal Ash'ari, ils ont une tariqa khatira huna. Kathirou min al-nas man tabahu, ils expliquent l'attribut par la al-lazim, la conséquence. Et la haqiqa, ils rejettent l'attribut. Falihada, si tu demandes à un Ash'ari, est-ce que Allah il a sifat al-mahabba, il t'expliquera par l'lazim. Donc, forcément, ils rejettent l'attribut. Fatanabbahu lihada. Qala, wa mahabbatuhu lil'ibad, bima'na ihsanihi ilayhim. وإثباتهم ونحو ذلك وهذا تأويل باطل لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله. C'est ça, tariqatu as-salaf. أن الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de la mahabba. Et c'est pas comme notre amour à nous. Là. مثلا, بعض الناس à cause de la mahabba, ils manquent de justice. Ils sont pas objectifs. Tellement qu'il aime une personne, il va la défendre, même si cette personne, elle se trompe. Il va être aveuglé par son amour. Amma Allah, subhanahu wa ta'ala, il a sifat al-mahabba, et cet attribut, son amour, il est parfait. Donc, on ne peut pas comparer l'attribut d'une créature avec ses faiblesses, ses manquements, avec l'attribut de Allah, subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alameen. قال لأن مودته ومحبته سبحانه wa ta'ala لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته ليست كمودة ومحبة المخلوق وهذا تقدم معنا ولله الحمد. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح une فائدة pour الفوائد المسلكية أي si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il aime Il aime certaines personnes, certaines choses. Enfin, al-fa'ida de tout ça, le fruit qu'on peut retirer, nahnu, c'est de mettre en application ce que Allah il aime. Enfin, si Allah subhanahu wa ta'ala, on lit le Coran, mathalan, et on lit qawluhu azza wa jal, inna Allah yuhibbu al-muhsinin, inna Allah yuhibbu al-muqsitin, inna Allah yuhibbu al-muttaqin, etc. Ça doit nous pousser à mettre en application ces choses. Il ne faut pas que ça soit une simple lecture mécanique, automatique. Là, quand on lit un verset du Coran al-Azim ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam أن الله سبحانه وتعالى il aime telle chose on doit faire des efforts pour appliquer cette chose لماذا لأن celui qui aime sincèrement et véritablement Allah subhanahu wa ta'ala il fera tout pour mettre en application ce que Allah il aime فمثلا أنت si tu sais que tes parents ils aiment telle chose وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى On cite cet exemple فقط pour montrer le lien entre l'amour de la personne et l'amour, مثلاً, d'autres choses. Tes parents, ils aiment que tu fasses telle chose. Bien sûr, cette chose, ce n'est pas du haram. Ou ils aiment manger telle chose. Enta, tellement que tu aimes tes parents, si tu as la capacité, tu feras tout pour leur donner cette chose, pour les satisfaire. Enfin, celui qui aime véritablement Allah, subhanahu wa ta'ala, il doit agir. Il doit agir et appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wa wallahi, il a juré rahmatullah alayh. Innana laghafiloun an hadhihi al-ma'ani. Annana fil haqiqa, c'est vrai, on est insouciant dans beaucoup de cas et souvent fil haqiqa. Prends l'exemple de qawluhu wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah il aime ceux qui se purifient. Cheikh Ibn Uthaymeen قال رحمه الله أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث لأنها شرط للصلاة خوفا من أن تفسد صلاتنا صحيح La plupart du temps quand on fait les ablutions c'est quoi notre intention et notre objectif c'est de se purifier pour la salat et bien sûr ça c'est quelque chose de qui a beaucoup de mérite لكن في الحقيقة on oublie autre chose قال Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله لكن يغيب عنا كثيرا أن نشعر بأن هذا قرب وسبب لمحبة الله لنا لكن on oublie souvent là, quand tu fais l'auto essaie de te rappeler أن الله سبحانه وتعالى il aime ce que tu fais et c'est une cause pour que Allah سبحانه وتعالى il t'aime et ça va في الحقيقة t'encourager à refaire l'auto souvent à prendre ton temps à parfaire ton auto لكن la plupart d'entre nous ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والهداية on oublie ce genre d'intention Anna, je fais les ablutions. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Et bien sûr, parce que Allah m'a ordonné pour faire la salat, etc. Lakin, ahyanan, on oublie la deuxième intention. Bel kathiran. Qala, law kunna nastahdir, indama yaghsilu l'insan, nuqtat baul. Si l'insan il se rappellerait, na'am, quand il se nettoie mathalan, de son urine, قال أصابت ثوبه أن ذلك يجلب محبة الله لا لحصلنا خيرا كثيرا. صحيح. Même cette souillure, cette impureté que tu nettoies sur ton thawb, mathalan, de l'urine, et tu te rappelles en Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça. Il aime que tu te purifies, que tu enlèves, que tu nettoies cette impureté. Voilà, chaque an l'insan, il profiterait de beaucoup plus de choses. Enfin, on essaye de se rappeler. كذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله رد على أهل البدع الذين أنكروا هذه الصفة dans son شرح. Dans l'explication de l'Wasitiyya, il a répondu à ceux qui rejettent l'attribut de l'mahabba. فقال أما أهل البدع الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة وهي يقولون. Ceux qui rejettent l'attribut de l'mahabba, ils n'ont qu'un argument. Et c'est un argument, en fait, très très faible. ماذا يقولون؟ يقولون أولا إن العقل لا يدل عليها. Ils disent que la raison, elle n'accepte pas ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. وثانيا يقولون إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين. Et ça c'est la cause. Pourquoi ils rejettent la محبة؟ كما قال الشيخ الفوزان, ils rejettent محبة الله سبحانه وتعالى للعباد et محبة العباد إلى الله سبحانه وتعالى. Pourquoi؟ لأن عندهم, donc أولا la raison elle accepte pas هذا, et pour eux أن المحبة, le fait d'aimer, ça peut être, tu peux aimer qu'une personne comme toi. مثلا un être humain, il aime un être humain. Tu ne peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est le créateur. Et le créateur, il ne peut pas t'aimer. Iyadam billah. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Nujibukum, il répond à ha'oula, ad-dullal, ces égarés qui ont rejeté l'attribut de l'mahabba. Ani l'awwal wa huwa anna l'aql yadul alayha bi jawabain. Ahaduhuma bit taslim wa thani bil man'a. Cheikh Ibn Uthaymeen, qala, par rapport au premier point, anna la raison, elle n'accepte pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'amour, de l'mahabba. Cheikh Ibn Uthaymeen, il va répondre avec deux points. قال أولا التسليم. Et si on prétend que la raison elle accepte pas. قال سلمنا أن العقل يدل على المحبة فالسمع دل عليها. Même si on dit que la raison elle accepte pas. Il n'y a pas de problème. Il y en a, on a des autres preuves. Belle, on a des preuves du Coran et de la Sunna. On vient de lire certains versets qui montrent que Allah il aime. Donc si la raison elle accepte pas, alhamdoulillah, on a le Coran qui nous montre que Allah il a le mahabba, et on applique, on accepte cet attribut avec le Coran, même si la raison elle l'accepte pas. Hada awwalan. Qala al-jawab al-thani, la deuxième réponse, al-man'a. An namna' da'wa anna al-'aql yadul 'alayha wa naqul bal al-'aql dalla 'ala ithbat al-mahabba bayna al-khaliq wa al-makhluq. Wa amma na'am, la deuxième réponse, c'est que cette prétention elle est fausse. Que la raison elle accepte pas cet attribut, c'est un pur mensonge. Ben alhamdulillah, le sunna c'est aql an-nas, c'est les gens qui raisonnent le mieux, et leur raison elle accepte hada. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut, et son attribut il ressemble pas à l'attribut de la créature. Pourquoi? Parce que Allah lui-même il ressemble pas à la créature. Tout ça c'est un raisonnement et on l'accepte wallahi alhamd. Et bien sûr, c'est fondé sur des preuves du Coran et de la sunna. Qala وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. أي le fait de prétendre que l'amour ça peut être que d'un humain à un autre être humain. Ça peut pas être un amour d'un être humain au créateur. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فكيف أن نقول أو نعيد نعم فكيف أو فيكفي أن نقول لا قبول لدعواكم لأن المنع كاف في ردع الحجة. Mais là, c'est un pur mensonge. Allez, là, Cheikh Ibn Uthaymeen, on n'accepte pas cette prétention. قال إذ إن الأصل عدم الثبوت فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع بل هي تكون بين غير المتجانسين. Cheikh Ibn Uthaymeen, là, c'est un exemple jamil, très très simple, pour montrer que tu peux aimer une chose, et en fait, c'est pas le même djinn que toi. Le djinn, c'est le genre. Maintenant, le genre humain. فنحنو, maintenant, est-ce qu'on aime que des humains? هذا سي باطل. شيخ ابن عثيمين قال فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجد يحبها. Une montre. شيخ ابن عثيمين cite cet exemple. Tu as une montre. Il y a longtemps que tu as cette montre. Elle est toujours réglée. Tu ne la répares jamais. Tu trouves l'insan, il aime cet objet. La preuve, c'est que s'il le perd, Robama, ça le rend triste. Et il cherchera une autre montre comme la première. نعم. بعض الناس ils aiment leur monture. بعض الناس ils aiment leur montre. بعض الناس ils aiment tel aliment. وهذا سيكوني ça ça nous montre ان هؤلاء في الحقيقه سي اشد الناس تناقضا للعقل. C'est les personnes qui contredisent le plus la raison. Tu demandes à n'importe quelle personne qui raisonne, est-ce que tu aimes un aliment, il va te dire naam. Hada il aime tel fruit, hada il aime tel légume, hada il aime telle boisson. Est-ce que ce fruit, ce légume, cette boisson, c'est le même genre, c'est le même jins que l'être humain? Abadan. Falimada at-tala'ub bil 'uqul. Fi al-haqiqa ha'ula des égarés et ils ont aucun argument, ils s'accrochent à ce genre de hujaj. Ce genre d'arguments qui sont aussi fragiles qu'une toile d'araignée, للأسف. قال شيخ ابن عثيمين وأيضا نجد أن البهائم تحب وتحب صحيح بعض الناس aiment certains animaux. واحد il a des mawashi, il a des vaches, il a des moutons, il a des chameaux, il a des chevaux. Tu trouves هؤلاء, ces gens qui ont ces animaux, ils ont de l'amour envers cet animal. قال فنحن ولله الحمد نثبت لله المحبة بينه وبين عباده. La conclusion, نعم, c'est qu'on accepte cet attribut. Pourquoi? Parce que la raison, elle le prouve, ou elle le montre, ou elle appuie plutôt, et les textes, ils le prouvent clairement. هذا والله تعالى أعلم. Et le prochain cours, inshallah تعالى, on passera à l'attribut suivant, أي صفة الرحمة والمغفرة لله عز وجل. نكتفي بهذا ينقص على notre deuxième درس إن شاء الله.